الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Toujours dans la traduction et les quelques commentaires du livre عمدة الأحكام تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, un livre de l'imam عبد الغني المقدسي رحمه الله et une explication de Sheikh Al-Bassam رحمه الله تعالى. Lors du dernier cours, on avait expliqué quel hadith ? Le 113 et le 114. Et le 115. Et le 116, naam, également. Qui se propose pour le hadith d'Abu Huraira radiallahu anhu. Le hadith 116, 115, Afwan, 114. Hadith de Jabir. Qui se propose ? Personne ? Fadal al Jabir ibn من أكل ثوما أو بصلا فلا يعتبرن مسجدنا وليقعد في بيته وأوتي بقدر فيه خضروات من بقول فوجد فيها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي رواه البخاري. أحسنت بارك الله فيك. Et le hadith 116, حديث عبد الله بن مسعود. أحسنت, le 115 j'ai pas vu. Hadith Jabir. Qui l'a pris ? Saïd ? Qui l'a pris le 115 ? Hafid ? Al-Wata ? Tadam. Al-Jabir, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit : Man akala al-basala wa al-thawm wa al-qurra. فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو الإنسان في رواية بنو آدم رواه مسلم. أحسنت. الحديث عبد الله بن مسعود. J'avais dit que tout le monde devait l'apprendre parce qu'il y avait le tashahhud le plus authentique dans la sunna. Et qui dit tashahhud dans la prière dit que tout le monde est concerné. C'est le cas ? Qui a pris le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud ? Le tashahhud que les savants vantent par son contenu et son authenticité. Personne. Par contre, celui-là, la semaine prochaine, je vous re-questionnerai dessus. Le tashahhud d'Abdullah ibn Mas'ud, il faut absolument l'apprendre. L'Ouattah Hafidtao ? Fadalakh. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي فما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رواه البخاري ومسلم وفي لفظ وفي لحظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقول التحيات فذكره تحيات لله وذكره إلى آخره وفيه فإذا فعلتم ذلك فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض وفيه ولتخير فليتخير من المسألة ما شاء. أحسن تبارك الله فيك. قل المؤلف رحمه الله باب كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث السابع عشر بعد المئة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رواه البخاري ومسلم. سنة عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه il dit: j'ai rencontré Ka'b ibn Ujrah qui m'a dit: ne veux-tu pas que je te fasse présent d'un cadeau? Puis il a dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti une fois et nous lui avons dit: ô envoyé d'Allah, tu nous as enseigné comment te saluer, mais comment prier sur toi? Il a dit, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dites: ô Allah, prie sur Muhammad et sur la famille de Muhammad comme tu as prié sur Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim. Tu es le digne de louange et de majesté. Et bénis Muhammad et la famille de Muhammad comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim, tu es le digne de louange et de majesté. رواه البخاري ومسلم. المعنى الإجمالي: تقابل عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد أفاضل التابعين وعلمائهم بكعب بن عجرة أحد الصحابة رضي الله عنه، فقال كعب: ألا أهدي إليك هدية؟ وكان أفضل ما يتهادونه وهو الحق مسائل العلم الشرعي، ففرح عبد الرحمن بهذه الهدية الثمينة وقال: بلى اهدها لي. فقال كعب: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله، علمتنا كيف نسلم عليك ولكن كيف نصلي عليك؟ فقال قولوا، وذكر لهم صفة الصلاة المطلوبة والتي معناها الطلب من الله تعالى أن يصلي على نبيه محمد وعلى آله وهم أتباعه على دينه، وأن تكون هذه الصلاة في بركتها وكثرتها كالصلاة على أبي الأنبياء إبراهيم وآل إبراهيم الذين هم الأنبياء والصالحون من بعده، وأن يزيد في الخير لمحمد وآله كالبركة التي حصلت لآل إبراهيم، فإن الله كثير المحامد صاحب المجد، ومن هذه صفاته فهو قريب العطاء واسع النوال. سلام الله. Le sens général du hadith. عبد الرحمن بن أبي ليلى qui fait partie des grands tabi'in et de leurs savants a rencontré Ka'b ibn Ujrah, l'un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ka'b a dit à Abd al-Rahman ibn Abi Layla: veux-tu que je te fasse don d'un présent, d'un cadeau? Et la meilleure chose qu'ils s'offraient entre eux, et c'est effectivement la meilleure des choses, étaient les sujets de la science religieuse. Et Abd al-Rahman ibn Abi Layla était heureux de recevoir ce cadeau d'une grande valeur. Et il a dit: bien sûr, offre-moi ce cadeau. Ka'b radiallahu anha leur dit: le prophète sallallahu alayhi wa sallam est sorti et nous lui avons dit: ô envoyé d'Allah, tu nous as enseigné comment te saluer, mais comment faire la prière sur toi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit et leur a cité comment faire pour prier sur lui ou que dire pour prier sur lui sallallahu alayhi wa sallam. La prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui signifie de demander à Allah de prier sur son prophète et sur sa famille, c'est-à-dire ceux qui les ont suivis, ceux qui l'ont suivi dans sa religion. Et demander à Allah de prier sur son prophète, c'est-à-dire demander à Allah Azza wa Jal qu'il fasse les éloges de son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les cieux. Et que cette prière d'Allah Azza wa Jal sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam soit dans la bénédiction et la quantité comme la prière d'Allah Azza wa Jal sur le père des prophètes qui est Ibrahim et sur la famille d'Ibrahim, c'est-à-dire les prophètes et vertueux après lui. Et qu'il accorde le bien à Muhammad et à ceux qui l'ont suivi dans sa religion, comme la bénédiction dont a profité ceux qui ont suivi Ibrahim alayhi salam parmi les prophètes et vertueux. Allah Azza wa Jal, qui a la grande majesté, est celui qui peut donner et offrir de grands dons. اختلاف العلماء اختلف العلماء ذهب الإمامان الشافعي وأحمد إلى وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير من الصلاة ولو تركت لم تصح الصلاة مستدلين بقوله صلى الله عليه وسلم حين سألوه كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد الحديث وأصرح من ذلك ما أخرجه الحاكم وأبو حاتم في صحيحيهما كيف نصلي عليك في صلاتنا الحديث وذهب الإمامان أبو حنيفة ومالك وكثير من العلماء إلى أنها سنة لقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن ساق التشهد إذا فعلت هذا فقد قضيت صلاتك. Divergence des savants. L'imam Shafi'i et l'imam Ahmed sont de l'avis qu'il est obligatoire de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors du dernier tashahoud de la prière. Et celui qui délaisse ce tashahoud, sa prière n'est pas acceptée. Et ils ont pour preuve le hadith de Ka'b ibn Ujrah lorsqu'ils ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment prier sur toi? Il a dit, dites, ô Allah, prie sur Muhammad jusqu'à la fin du hadith. Et dans la version de Al-Hakim et Abu Hatim dans leurs deux sahih, ils ont dit comment prier sur toi pendant notre prière. Donc dans la version de Al-Hakim et de Abu Hatim rahimahum Allah, il y a un plus qui est comment prier sur toi pendant notre prière. Alors que dans le hadith de Ka'b ibn Ujrah, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment prier sur toi, c'est-à-dire de façon générale et non pas pendant la prière de façon particulière. Et l'avis de l'imam Abu Hanifa, de l'imam Malik et de la majorité des savants que ceci est une sunnah. Al-Ahkam. Awalan, wujubu s-salati ala nabi sallallahu alayhi wa sallam fi t-tashahud al-akhir fi s-salah. قال أبو العالية صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه. ثانيا إن من حق النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعو ونصلي عليه لأنه لم يصلنا هذا الدين العظيم إلا على يديه. Les jugements à retenir de ce hadith. Premièrement, l'obligation de prier sur le prophète صلى الله عليه وسلم lors du dernier tashahud. Abu al-Aliya a dit la prière d'Allah sur son prophète, c'est-à-dire les éloges d'Allah sur lui, sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le fait de l'élever. Deuxièmement, ce qu'on retient du hadith, c'est que parmi les droits du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur nous est que l'on doit invoquer Allah azza wa jal en sa faveur et que l'on doit prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car cette religion immense ne nous est parvenue à travers qui? À travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thalithan, إنه صلى الله عليه وسلم علم أصحابه السلام والصلاة عليه. Troisièmement, que le prophète صلى الله عليه وسلم, c'est lui-même qui a appris et enseigné à ses compagnons comment saluer le prophète صلى الله عليه وسلم et comment prier sur lui. رابعا, إن من أسباب علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم ورفع درجاته دعاء أمته له صلى الله عليه وسلم. Quatrièmement, parmi les causes qui font élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui donnent de l'importance et l'élèvent en degré, ce sont l'invocation de sa communauté, ce sont les invocations de sa communauté en faveur de lui sallallahu alayhi wa sallam. Khamisan, inna as-salaf kanu yatahaduna masail al-ilm. ويجعلونها تحفا قيمة وهي أفضل التحف والهدايا. Cinquièmement, les salafs, les pieux prédécesseurs, s'offraient entre eux les sujets de la science, et ils considéraient cela comme des cadeaux précieux et comme ce qui était le mieux à offrir. سادسا, حميد مجيد الحمد والمجد إليهما يرجع الكمال كله. فإن الحمد مستلزم للعظمة والإجلال والمجد دال على صفة العظمة والجلال والحمد يدل على صفة الإكرام فهذان الوصفان الكريمان إليهما مرجع أسماء الله الحسنى. Sixièmement, en la parole du prophète صلى الله عليه وسلم, إنك حميد مجيد. Parlons à Allah عز وجل, tu es celui qui est loué, le digne de louange et de majesté. La louange et la majesté, vers ces deux choses, retournent la complétude, le fait d'être complet. Car de louer Allah Azza wa Jal implique son immensité, subhanahu wa ta'ala, et sa majesté, subhanahu wa ta'ala, est une preuve de l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ainsi, de remercier Allah azza wa jal prouve le fait qu'Allah azza wa jal est généreux. Tu remercies celui qui est généreux envers toi. Donc si tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien tu lui attribues l'attribut de la générosité. Ainsi, ces deux choses, ou ces deux caractéristiques, à savoir la louange et la majesté, ce sont deux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala vers lesquels retourne l'ensemble des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu regardes les noms d'Allah azza wa jal et le sens de chacun d'eux, tu verras qu'ils retourneront à la louange d'Allah et à sa majesté. Al-baraka annama huwa ziyada wa at-tabriku ad-du'a bihima. Fabarak ala Muhammadin wa alihi yatadammanu su'al Allah أن يعطي رسوله ما قد أعطاه لإبراهيم وآله من الخير وسعته ودوامه. البركة, vous savez que c'est l'accroissement et le fait d'ajouter. Et lorsque l'on dit dans notre prière sur le prophète صلى الله عليه وسلم, est béni Muhammad et sa famille, c'est-à-dire ceux qui l'ont suivi, ceci signifie de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de donner à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'Allah a donné à Ibrahim et ceux qui l'ont suivi comme bien. Fa'ida. من المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وعند علماء البيان أن المشبه أقل رتبة من المشبه به لأن الغرض من التشبيه الحاقه به في الصفة عند النبيين فكيف يطلب من الله أن يصلي على محمد وآله صلاة كصلاته على إبراهيم وآله حاول الإجابة عن هذا الإشكال العلماء بعدة أجوبة وأحسنها أن آل إبراهيم عليه السلام هم جميع الأنبياء من بعده ومنهم نبينا صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين فالمعنى أنه يطلب للنبي صلى الله عليه وسلم وآله صلاة كالصلاة التي لجميع الأنبياء من لدن إبراهيم عليه السلام ومن المعلوم أنها كلها تكون أفضل من الصلاة للنبي صلى الله عليه وسلم وحده والله أعلم. Puis une remarque fait à Cheikh Al-Bassam رحمه الله. Il dit qu'à l'unanimité le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la meilleure des créatures. Et chez les savants de l'Bayan, la langue arabe, entre autres, al-mushabbih aqal rutbatan min al-mushabbah alayhi. Celui que tu fais ressembler à un degré inférieur de celui à qui tu le fais ressembler. Je dis par exemple, Zayd ressemble à Amr. Zayd ressemble à Amr. Les savants de l'Bayan disent, lorsque tu fais ressembler Zayd à Amr, cela veut dire que Amr est meilleur que Zayd, puisque tu fais ressembler Zayd à Amr. Si Zayd était meilleur que Amr, tu aurais dit Amr ressemble à Zayd. Ainsi, ils ont dit, comment Allah Azzawajal peut-il demander, comment peut-on demander à Allah Azzawajal de prier sur Muhammad et ceux qui l'ont suivi, comme sa prière sur Ibrahim et ceux qui l'ont suivi. Parce qu'ici, on fait ressembler la prière, on demande à Allah Azzawajal de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une façon similaire à sa prière sur Ibrahim. Donc on a fait ressembler la prière, on demande à Allah Azzawajal de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'une façon qui ressemble à celle sur laquelle, à une prière que fait Allah Azzawajal sur Ibrahim. Donc autrement dit, selon les savants de l'arabe, que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a un degré inférieur au degré d'Ibrahim. Car on fait ressembler la prière du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la prière d'Ibrahim. Donc cela sous-entend que la prière d'Allah sur Ibrahim est meilleure. Donc que Ibrahim est meilleur que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et Cheikh Al-Bassam dit, « حاول الإجابة عن هذا الإشكال العلماء بعدة أجوبة. » Les savants ont essayer de répondre à cette problématique en apportant diverses réponses. Et la meilleure des réponses est que la famille d'Ibrahim, Al-Ibrahim, sont l'ensemble des prophètes après lui. Et parmi eux, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans Al-Ibrahim, cela englobe l'ensemble des prophètes après Ibrahim et donc également notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, lorsque tu dis cela, فَالْمَعْنَا نَوْ يُطْلَبُ c'est-à-dire que l'on demande au prophète sallallahu alayhi wa sallam une prière comme la prière qu'Allah fait sur l'ensemble des prophètes après Ibrahim, Ibrahim compris. Comme la prière d'Allah sur Ibrahim et tous les prophètes qui sont venus après lui. Et il est connu, comme le dit Cheikh Al-Bassam, Omin Al-Ma'loum, que toutes ces prières, toutes les prières d'Allah Azzawajal sur Ibrahim et tous les prophètes qui l'ont suivi, est meilleure que la prière sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uniquement. Et ainsi, la problématique est levée. C'est clair ou pas? Non. Ici, Cheikh Bassam dit, comme on dit aux autres savants, que Ali Ibrahim, wa salli ala Muhammad wa Ali Muhammad, kama sallait ala Ibrahim wa Ali Ibrahim. Ali Ibrahim, ça signifie tous les prophètes qui sont venus après Ibrahim, alayhi salam. Et parmi eux, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, lorsque tu demandes à Allah Azza wa Jalla de prier sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme il a prié sur l'ensemble des prophètes qui sont venus après Ibrahim, il dit, Cheikh Al-Bassam, que ce qui apparaît logique, c'est que la prière que fait Allah Azza wa Jalla sur tous les prophètes après Ibrahim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam compris, est meilleure qu'une prière que ferait Allah Azza wa Jalla sur son prophète uniquement. Tayyib. فائدة ثانية قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الأحاديث التي في الصحاح لم أجد فيها ولا فيما نقل لفظ إبراهيم وآل إبراهيم بل المشهور في أكثر الأحاديث والطرق لفظ إبراهيم وفي بعضها لفظ آل إبراهيم وقد روي لفظ إبراهيم وآل إبراهيم في حديث رواه البيهقي ولم يبلغني إلى الساعة حديث مسند بإسناد ثابت كما صليت على إبراهيم وكما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم وتابعه ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام فقال إن أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلها صريحة في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر آله وأما ما جاء في حق إبراهيم وآله فإنما جاءت بذكر آل إبراهيم فقط دون ذكر إبراهيم أو بذكره فقط دون ذكر آله ولم يجيء حديث صحيح فيه لفظ إبراهيم وآل إبراهيم ومع جلالة قدر ابن تيمية وتلميذه ابن القيم وكونهما محل الثقة في الرواية والدراية فإننا ننبه القراء إلى أن ما قالاه في كتبهما وهي متداولة مقروءة قد وقع فيه وهم في هذا المبحث وذلك أن الجمع بين إبراهيم وآل إبراهيم في الصلاة وفي التبريك قد جاء في الصحيحين ومن ذلك حديث كعب بن عجرة الذي ساقه مؤلف عمدة الأحكام والذي نحن بصدده وبعد تتبع لأحاديث كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الأمهات وشروحها وجدت الشيخ ناصر الدين الألباني قد نقد الشيخين ابن تيمية وصاحبه بمثل ما قلته. Une deuxième remarque. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit dans Majmou' al-Fatawa, le volume 22, page 456, les hadiths qui sont authentiques, je n'ai pas trouvé dans ces hadiths authentiques, ni de ce qui a été rapporté, le terme Ibrahim et Al-Ibrahim. Mais ce qui est le plus connu dans la plupart des hadiths, c'est le terme Ibrahim. Et dans d'autres hadiths, le terme Al-Ibrahim. Et il a été rapporté le terme Ibrahim ou Al-Ibrahim dans un hadith rapporté par Al-Bayhaqi. Mais jusqu'à aujourd'hui, il ne m'est pas parvenu un hadith avec une chaîne de transmission authentique stipulant comme tu as prié sur Ibrahim et comme tu as béni Ibrahim et la famille d'Ibrahim. Et l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, a suivi, c'est-à-dire a suivi Cheikh al-Islam Taymiyyah dans son livre Jala'ul Afham. Jala'ul Afham, qui est l'un des meilleurs livres écrits sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam et sur la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un livre de l'imam al-Qayyim. L'imam al-Qayyim a dit dans ce livre Jala'ul Afham que la plupart des hadiths authentiques et bons, même toutes, bal kulluha, sont claires pour citer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses partisans. Quant à ce qui est rapporté concernant Ibrahim et ses partisans, فَإِنَّمَا جَاءَتْ بِذِكْرِ آلِ إِبْرَاهِيمِ فَقَدْ دُونَ ذِكْرِ إِبْرَاهِيمِ. Ces hadiths citent uniquement Ali Ibrahim sans citer Ibrahim, ou citer Ibrahim sans citer Ali Ibrahim. وَلَمْ يَجِيءُ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِيهِ لَفْضُ إِبْرَاهِيمُ وَآلِ إِبْرَاهِيمُ. Il n'y a pas de hadith authentique dont les termes sont Ibrahim et la famille d'Ibrahim, ou les partisans d'Ibrahim. Et Cheikh al-Bassam, rahimahullah, répond en disant: avec tout le respect que l'on a sur l'imam Ibn Taymiyyah et son élève Ibn al-Qayyim, rahimahullah, avec tout le respect que l'on a pour eux, et le fait que ce sont des hommes de confiance, à la fois dans ce qu'ils nous rapportent et dans ce qu'ils ont compris. Malgré tout cela, malgré le respect, avec tout le respect que l'on a, nous devons prévenir et alerter les lecteurs que ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire Cheikh l'Islam et son élève Ibn al-Qayyim dans leurs livres, qui sont réputés, qui sont diffusés et lus, comporte une erreur dans ce sujet, dans le sujet de la prière sur le professeur Hassam, et notamment dans les termes et pris sur Mohammed et ses partisans, comme tu as prié sur Ibrahim et ses partisans. Ceci car le rassemblement entre Ibrahim et les partisans d'Ibrahim dans la prière et dans la demande de bénédiction, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, ça c'est la prière, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم, ça c'est dans la demande de bénédiction. Donc le rassemblement entre le terme Ibrahim et les partisans d'Ibrahim, à la fois dans la demande de prière et dans la demande de bénédiction, sont rapportés dans les deux sahih qui sont Al-Bukhari et Muslim. Et parmi ces hadiths, le hadith de Ka'b ibn Ujra qu'a cité l'auteur de Umdat al-Ahkam, et c'est le hadith que nous sommes en train d'expliquer actuellement. Puis il dit, rahimahullah, et après avoir suivi l'ensemble des hadiths sur la façon de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les livres de hadith et leur explication, j'ai trouvé que Cheikh Nasiruddin Al-Albani, rahimahullah, a lui aussi répondu aux deux shuyukh, Ibn Taymiyyah et son ami, à savoir l'imam Ibn Qayyim, il leur a répondu de la même façon que je viens de le faire. C'est-à-dire en montrant l'erreur avec tout le respect que l'on a pour ces deux imams de l'islam, que sont Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah et son élève ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et cela nous montre que les gens de la sunna ne suivent aveuglément personne hormis le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle que soit la personne, que ce soit un immense savant, que ce soit des montagnes de science comme l'imam ibn Taymiyyah et son élève ibn al-Qayyim, cela n'empêche pas les gens de la sunna de dire dans les endroits où ils se sont trompés, ils se sont trompés. فائدة ثالثة لما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأحاديث والطرق التي وردت في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظها المختلفة ورواياتها المتنوعة. قال رحمه الله: من المتأخرين من سلك في بعض هذه الأدعية والأذكار التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ويعملها بألفاظ متنوعة. سلك فيها بعض المتأخرين طريقة محدثة بأن جمع تلك الألفاظ واستحب ذلك ورأى ذلك أفضل ما يقال فيها. وطرد هذه الطريقة أن يذكر التشهد بجميع هذه الألفاظ المأثورة وأن يقال الاستفتاح بجميع الألفاظ المأثورة، وهذا مع أنه خلاف عمل المسلمين لم يستحبه أحد من أئمتهم بل عمل بخلافه، فهو بدعة في الشرع فاسد في العقل. فإن تنوع ألفاظ الذكر والدعاء كتنوع ألفاظ القرآن، ومعلوم أن المسلمين متفقون على أنه لا يستحب للقارئ أن يجمع بين حروف القرآن في الصلاة وفي التعبد بالتلاوة، ولكن إذا قرأ بهذه تارة وبهذه تارة أخرى كان حسنا. وكذلك الأذكار والدعاء، فإذا تشهد تارة بتشهد ابن مسعود وتارة بتشهد ابن عباس وتارة بتشهد عمر كان حسنا. وفي الاستفتاح، إذا استفتح تارة باستفتاح عمر وتارة باستفتاح علي وتارة باستفتاح أبي هريرة ونحو ذلك كان حسنا. الثالثة مارك الشيخ البسام رحمه الله lorsque Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah رحمه الله a cité les hadiths qui ont été rapportés dans la façon de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et en apportant les différents termes dans les différentes versions. Il a dit, rahimahullah ta'ala, et parmi des gens contemporains, c'est-à-dire au temps de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il y a parmi ces gens-là des personnes qui ont suivi une voie dans les invocations et les rappels que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il disait en utilisant des termes différents. Certains ont emprunté une voie innovée en rassemblant l'ensemble de ces termes et en considérant que cela est préférable et que c'est ce qu'il y a de mieux à dire. Ces gens, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont rassemblé, par exemple sur une invocation bien particulière, l'ensemble des versions. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils en ont fait une seule invocation, où il y a à la fois tous les termes utilisés dans les différentes versions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit telle invocation avec des termes précis. Dans une autre cas de figure ou dans une autre situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la même invocation en utilisant des termes différents, où il y a une différence au niveau des termes. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit à chaque fois pendant des situations différentes. Et ces personnes ont rassemblé toutes ces versions et en ont fait une seule et même invocation. Et ont appelé les gens à la dire et ont considéré que de dire cette invocation avec tous les termes rapportés est ce qu'il y a de mieux à dire. Comment répondre à cette voix qui est de dire le tashahhud en utilisant tous les termes rapportés et de dire du'a l'istiftah avant de lire al-fatiha pendant la prière lors de la première raka'at en utilisant l'ensemble des termes rapportés? Comment répondre? Tout d'abord, comme le dit Cheikh al-Islam, tout d'abord cela est contraire à ce que font les musulmans. Est-ce que les musulmans font cela? La réponse est non. Deuxièmement, لم يستحب أحد من أئمتهم. Aucun des savants n'a considéré cette façon comme étant recommandée. بل عمل بخلافه. Au contraire, les savants ont mis en pratique le contraire de cela. savoir qu'ils disent de temps en temps cette version et de temps en temps l'autre version. C'est donc une innovation dans la religion et cela est mauvais pour la raison. Cela est mauvais pour la raison. Car les différents termes rapportés dans les rappels et les invocations sont comme les différents termes du Coran. Vous savez que le Coran a été descendu sur le prophète sallam à la sab'ati ahruf, de cette façon différente. De cette façon différente qui proviennent toutes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la langue arabe était-elle unique? Non. Il y avait des peuples ou des tribus qui parlaient l'arabe, mais de dialectes différents. Comme on voit nous à notre époque, il y a les berbères, mais on peut trouver 4-5 sortes de berbères. D'accord? Bon, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait plusieurs types d'arabes, plusieurs dialectes d'arabes. C'est pour cela que le Coran a été révélé à la sab'ati ahruf, de cette façon différente, tout en arabe, mais de dialectes différents. Et d'où on voit, nous, et jusqu'à maintenant, elles ont été préservées par Allah subhanahu wa ta'ala. On voit la version, par exemple, qui sont connues, Hafs et Warsh. D'accord? Il y a des différences dans les termes utilisés qui sont des différences parfois grandes, parfois petites. À la kulli hal, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un des compagnons a entendu un autre lire d'une façon. Il a dit non, je n'ai pas entendu cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont partis au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour avoir un jugement. Le premier a lu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hakada unzilat. C'est ainsi qu'elle a été révélée. L'autre a lu, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Hakada unzilat. Pourquoi est-ce que le Coran a été révélé de dialectes différents, de versions différentes, pour que chacun soit attiré? S'il était révélé que dans la langue de Quraysh et pas dans la langue d'autres tribus, cela aurait été difficile pour eux, d'accord? Mais le fait que ce soit, que le Coran ait été révélé de cette façon différente, eh bien ainsi, chaque tribu des Arabes était, comprenait le message d'Allah Azza wa Jal et était attiré par celui-ci. Ceci est une des sagesses d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais le Coran, il ne faut pas en comprendre que c'est sept versions différentes où il y a des contradictions, des divergences. Non. Les sept proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh al-Bassam dit que les différents termes du Coran sont semblables aux différents termes rapportés dans les rappels et les invocations. Or, dans le Coran, les savants sont unanimes que l'on ne doit pas rassembler les versions. Lorsque tu commences ta raka'at ou ta lecture dans ta raka'at en lisant en hafs par exemple, tu ne mélanges pas avec le warsh, tu ne mélanges pas avec la riwaya de Qaloun, etc. D'accord? Mais tu commences en hafs, tu finis en hafs. Et il en est de même pour les invocations et les rappels. Celui, comme l'a dit Cheikh l'Islam, celui qui de temps en temps dit le tashahhud de Abdullah ibn Mas'ud, et de temps en temps dit le tashahhud de Abdullah ibn Abbas, et de temps en temps le tashahhud de Omar, alors cela est louable. Cela est louable car il dit l'ensemble des tashahhud rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas en une seule et même fois, mais en plusieurs fois. Et c'est également l'avantage de at-tanawwu'. C'est l'avantage d'avoir des termes différents. Pourquoi? Car cela te comment dire, renouvelle ta volonté, cela amène à ce que tu ne sois pas lassé de dire tout le temps la même chose, mais quand tu as le choix de dire plusieurs choses, et bien automatiquement cela te motive encore plus et cela te permet de ne pas te lasser, même si on ne se lasse pas des paroles du prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et de même pour l'istiftah, si de temps en temps il utilise l'istiftah de Omar, de temps en temps l'istiftah de Ali, et de temps en temps l'istiftah d'Abu Huraira, alors cela est louable. Et lorsque l'on dit le tashahoud d'Abdullah ibn Mas'ud, d'Abdullah ibn Abbas, l'istiftah de Omar, d'Abu Huraira, ça ne veut pas dire que c'est le leur, ce qu'ils ont inventé, mais c'est ce qu'ils ont rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال المؤلف رحمه الله باب الدعاء بعد التشهد الأخير الحديث الثامن عشر بعد المئة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال رواه البخاري ومسلم وفي لفظ لمسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ثم ذكر نحوه. Le 118e hadith. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait en disant: Ô Allah, je demande ta protection contre le châtiment de la tombe et le châtiment de l'enfer et la tentation de la vie et de la mort et la tentation du faux messie. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et dans une version de Muslim, lorsque l'un d'entre vous fait le tashahhud, alors qu'il demande la protection d'Allah contre quatre choses, en disant « Oh Allah, je demande ta protection contre le châtiment de l'enfer, thumma dhakara nahwa » Puis il a cité les choses similaires, à savoir l'enfer et la demande de protection contre les tentations de la vie et de la mort et contre l'antéchrist. Al-ma'na al-ijmali. هذه أدعية عظيمة هامة لأنها طلب الإعاذة من أعظم الشرور وأسبابها ولهذا عني بها النبي صلى الله عليه وسلم عناية خاصة فكان يدعو بها ويأمر بالدعاء بها وجعل موضع الدعاء بها دبر الصلوات لأنه موطن الإجابة وهي تشمل الاستعاذة من عذاب القبر وعذاب النار ومن شهوات الدنيا وشبهاتها ومن إغواء الشياطين عند الاحتضار وفتن القبر التي هي سبب عذابه ومن فتن الدجالين الذين يظهرون على الناس بصورة الحق وهم متلبسون بالباطل وأعظمهم فتنة الذي صحت الأخبار بخروجه في آخر الزمان أعاذنا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. Le sens général du hadith. Ces invocations, à la fois immenses et importantes, car elles comportent la demande de protection des maux les plus grands et de leurs causes. Pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donné de l'importance, une importance particulière, car lui-même sallallahu alayhi wa sallam invoqué par cela. Et ordonner que l'on invoque par ces choses. Et à désigner l'endroit ou le moment dans lequel on invoque Allah Azza wa Jal par ces choses vers la fin de la prière. Car c'est un moment dans lequel Allah Azza wa Jal exauce les invocations. Et cette invocation que nous a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam englobe la demande de protection contre le châtiment de l'enfer, contre le châtiment de la tombe, le châtiment de l'enfer, contre les passions de cette vie d'ici-bas, ainsi que ses ambiguïtés, contre les ruses du diable au moment de la mort. Vous savez que le diable vient au moment où la personne s'apprête à mourir pour lui faire croire des choses fausses et pour qu'il renie sa religion dans les derniers instants de sa vie. Et également de demander la protection contre les tentations de la tombe. Les tentations de la tombe qui sont la cause du châtiment de la tombe. Et la plus grande tentation de la tombe, c'est... Non, ce sont les questions que poseront les deux anges, Munkar wa Nakir. Et de demander également la protection contre tous ces charlatans, parmi les gens qui viennent à eux sous l'image de la vérité, alors qu'en réalité, ils ne représentent que le faux. وَأَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً الَّتِي صَحَّتِ الْأَخْبَارُ بِخُرُوجِهِ فِي آخِرِ الزَّمَانِ. Et ces personnes qui sont l'une des tentations les plus grandes sont ces personnes qui sortiront vers la fin des temps, comme cela est rapporté dans les hadiths authentiques. Qu'Allah nous préserve des tentations, celles qui sont apparentes comme cachées. الأحكام المأخوذة من الحديث. أولا استحباب هذا الدعاء عقب التشهد الأخير كما هو صريح بتقييده بهذا المكان في صحيح مسلم. Ce qu'on retient de ce hadith. Premièrement, qu'il est recommandé de dire cette invocation après le dernier tashahhud, comme cela a été clairement cité en la version de Muslim. إِذَا تَشَاهَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ. Dans la version de Bukhari, il n'est pas indiqué le tashahhud, mais dans la version de Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a désigné le moment dans lequel on dit cette invocation après le dernier tashahhud. ثانياً إن هذه الاستعادة من مهمات الأدعياء وجوامعها لكون النبي صلى الله عليه وسلم عني بها والاشتمالها على الاستعادة من شرور الدنيا والآخرة وأسبابها ولذا أمر بتكريرها في هذه المواطن الفاضلة لرجاء الإجابة فيها. Deuxièmement, que ces demandes de protection font partie des invocations importantes et celles qui englobent le plus. Car le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, comme je l'ai dit, a donné de l'importance à cette invocation. Et aussi parce que cette invocation demande la protection contre les choses mauvaises de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà, mais aussi des causes qui pourraient amener à ces choses mauvaises. Pour cela que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a demandé de répéter cette invocation. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit de la dire après le tashahhud, cela veut dire de la dire après le tashahhud de chaque prière, donc de le répéter sans cesse. Et dans un moment dans lequel l'invocation est exaucée. Car dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam informe que le moment entre le tashahhud et le salam est un moment dans lequel les invocations sont exaucées. ثالثا ثبوت عذاب القبر وأنه حق والإيمان به واجب لاستفاضة الأخبار عنه بل تواترها. Troisièmement, ce que l'on retient de ce hadith, c'est l'existence du châtiment de la tombe et que c'est une vérité. Et que de croire au châtiment de la tombe est obligatoire, car les hadiths sont nombreux, ils sont même mutawatir. رابعا التحفظ من شبهات الحياء وشهواتها الآثمة فإنها سبب الشرور. Quatrièmement, de se préserver des passions de cette vie d'ici-bas et de ses ambiguïtés, car elles sont la cause de tout mal. خامسا التبصر بدعاة السوء وناشر الإلحاد والفساد فإنهم يخرجون على الناس باسم المصلحين المجددين وهم في الحقيقة الهادمون للفضيلة والدين. Cinquièmement, d'avoir une clairvoyance vis-à-vis des prêcheurs du mal et de ceux qui diffusent la turpitude et l'apostasie. Ils apparaissent aux yeux des gens sous des noms de vertueux et de personnes pieuses, alors qu'ils sont en réalité des destructeurs des bons mœurs et de la religion. سادسا المسيح مطلقا هو عيسى بن مريم عليه السلام وإذا قيد بكلمة الدجال فهو رجل آخر. Sixièmement, المسيح, lorsque l'on dit المسيح, cela signifie عيسى عليه السلام. Mais lorsque le terme مسيح est restreint au الدجال, lorsque l'on dit المسيح ou الدجال, cela signifie un autre homme qui est Ad-Dajjal Antéchrist. Sabi'an, fitnatul mahya, ma yata'arradu lahu l'insanu muddata hayatihi min al-inshighali bid-dunya wash-shahawat wa a'zamuha su'ul khatimah. Septièmement, que signifie la tentation de la vie? Il dit, rahimahullah, c'est, qu'est-ce que la tentation de la vie? C'est ce à quoi est exposé l'être humain durant l'ensemble de son existence, comme chose qui le préoccupe, comme le fait de se préoccuper de cette vie d'ici-bas et de ses passions, et la pire est le fait d'avoir une mauvaise fin. La pire de ces tentations de la vie, c'est d'avoir une mauvaise fin. Car ce que, l'être humain sera ressuscité dans la situation dans laquelle il est mort. Wal'iyadu billah. Donc, si la situation est bonne, alhamdulillah, si elle est mauvaise, qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve de son châtiment. Thaminan fitnatul mamat. Hiya fitnatul qabr. كما ورد في البخاري عن أسماء بنت أبي بكر وإنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة الدجال رواه البخاري ومسلم. Huitièmement, que signifie la tentation de la mort? Il dit, رحمه الله, c'est la tentation de la tombe, comme cela a été rapporté par Al-Bukhari selon Asma bint Abi Bakr رضي الله عنها, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et vous serez tentés dans vos tombes comme ou presque comme la tentation du Dajjal. Et la tentation du Dajjal est la plus grande des tentations. Il n'y a pas un prophète sans qu'il n'ait mis en garde son peuple contre la tentation du Dajjal. Et la tentation de la tombe, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle est comme ou presque comme la tentation du Dajjal. C'est donc une immense tentation que de répondre aux trois questions. Cela n'est pas une chose simple et aisée. C'est un questionnaire dont les réponses se préparent durant toute ton existence. Lorsque tu vis, lorsque tu adores Allah Azza wa Jal et que tu t'éloignes de ses péchés, eh bien tu te prépares quelque part à répondre aux questions des deux anges. Et la réponse que tu donneras, tu ne pourras la donner que si Allah Azza wa Jal te permet de le faire. Même si tu faisais partie dans cette vie d'ici-bas des personnes les plus éloquentes, de celles qui pouvaient parler des heures et des heures sans se lasser et sans s'arrêter. Si tu fais partie des personnes mauvaises et des pervers et non musulmans, par Allah, tu ne pourras pas répondre aux anges et à leurs questions, comme l'a dit le prophète sallam concernant le mécréant qui dira « Ha ha la adri »« Ha ha, je ne sais pas » On aktafi bi hadha al-qadr wa subhanak Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.